et de l'Acousmonium de la MEG où ce concert s'est passé hier soir. Donc Mariam Rezaei, Maria Chavez et Victoria Chen, on passe à l'enceinte du jour que je vais vous diffuser avec un nouveau moyen. Voilà, vous jugerez. Je crois qu'il y a un problème avec... Ben non, mais ça, on a dit qu'il fallait pas faire. Ah, c'est quoi l'enceinte ? Alors, je recommence. Je crois qu'il y a un problème avec l'enceinte du jour. C'est quoi l'enceinte ? Mais dis-moi, Olga, quelle est cette enceinte ? Alors, l'enceinte du jour, c'est une guirlande ou des guirlandes de piezo. C'est comme des guirlandes de lumière, mais c'est des guirlandes de son avec des petits haut-parleurs qui diffusent principalement des aigus et qui sont suspendus au-dessus du public. Ah, intéressant, mais... Quelle est leur fonction dans l'acousmonium de la MEG ? Pour projeter du son au-dessus du public. Merci beaucoup, Olga. Merci, Olga. C'est trop chou. Et merci, Antoine, de ne pas avoir mis le message que j'ai envoyé moi.